Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du. Donc ici la deuxième assise d'aujourd'hui concernant al-qawa'id al-fiqhiyya al-khamsa al-kubra. Donc les cinq grandes règles de fiqh. Comme nous l'avons expliqué précédemment, cette série de cours seront des cours concis et brefs concernant les grandes règles de fiqh. Nous avons expliqué au cours précédent notre méthodologie, comme notre habitude, notre méthodologie que nous allons suivre dans ces cours. Et nous avons expliqué aussi le sens de al-qawa'id al-fiqhiyya, donc les grandes ou les règles de fiqh, et en particulier celles que nous allons étudier ici, les cinq grandes règles de fiqh. Ce que j'ai oublié d'évoquer au cours dernier, les livres vers lesquels vous pouvez revenir pour étudier et pour comprendre ces règles de fiqh. Je ne citerai pas les livres qui sont des livres qui seront plus adaptés aux étudiants en sciences, certains livres qui sont peut-être un peu plus compliqués comme Al-Qawa'id l'Ibn Rajab, comme cela Al-Ajba wa Al-Nadair de Ibn Nudjaim, Al-Hanafi, etc., ce qui sont des livres connus chez Talabat al-Ilm. Mais ici je vous orienterai surtout vers un livre qui est à la base une poésie qui est très très bénéfique, que ce soit pour les étudiants en sciences et pour autre que cela. Et comme cela, nos savants ont l'habitude de faire l'explication de cette poésie, explication qui a été faite par celui qui a écrit la poésie d'une manière très concise. Puis vous trouverez un grand nombre de savants qui aura expliqué dans des cours audio comme cela à l'écrit cette poésie qui est Manzumat al-Qawa'id al-Fiqhiyya, donc la poésie concernant les règles du fiqh de cet imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, qui est un livre très très bénéfique, ou qui est une poésie avec son explication de celui qui a écrit cette poésie qui est très très bénéfique. Aussi je vous orienterai vers une série de cours qui pourra être dispensée par certains parmi l'ulama concernant les cinq grandes règles du fiqh que nous étudions ici dans notre série de cours. Comme cela, cette série de cours dispensée par Cheikh Mohamed Bazmoul, qui fait partie des savants de Mecca, Hafidahullah Ta'ala, cette série de cours sur laquelle nous appuierons dans l'explication que nous donnerons de ces règles de fiqh, ces cinq grandes règles du fiqh. Comme cela, Cheikh Abdelmajid Jumu'a Al-Jazairi, qui a expliqué dans une série de cours audio cette série de cinq règles. Comme cela, cette série de cours qui fut commencée par notre Cheikh Suleyman Al-Ruhayli, Hafidahullah Ta'ala, il y a peu de temps, dans une daura, dans un séminaire qui est donné actuellement encore dans la ville du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam al-Medina, dans la mosquée Sayyid al-Shuhada, une daura avec d'autres parmi les ulama, parmi eux notre cheikh Cheikh Abdurrahman Muhiddin Hafidahullahu Ta'ala, où ce dernier, donc c'est-à-dire Cheikh Suleyman Al-Ruhayli Hafidahullah, donne cours sur Al-Manzuma de l'Ahdal, qui est un savant yéménite, l'Ahdal, qui s'appelle Al-Fawaid Al-Bahiyya. C'est une manzuma, c'est une poésie qui regroupe les règles du fiqh. Et donc, Cheikh Suleyman, Hafidahullah, donne l'explication simplement des cinq grandes règles que nous allons expliquer ici dans notre série de cours. Il est en train de les expliquer, je pense qu'il est arrivé au troisième cours. Walhamdulillah, ça fait, il me semble, une semaine qu'ils ont commencé cette dawa. Donc si vous avez l'occasion de la suivre, ceci est très profitable. Nous avons rappelé au cours précédent ces cinq grandes règles. Et nous avons expliqué le sens des règles du fiqh, des règles jurisprudentielles, et nous avons aussi expliqué leur importance et pourquoi nous avons choisi de donner ces cours-là, des cours qui seront, comme je l'ai dit, concis et résumés. Ici, nous commencerons par la première de ces grandes règles que nous avons traduites par une traduction approximative, les œuvres selon leur but. Les œuvres selon leur but, que nous pouvons aussi exprimer d'une autre manière, les actions ne valent que par leurs intentions. Et ceci d'après la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith que vous connaissez tous, qui est un hadith authentique, où il dit, dans le sens approximatif, les actions ne valent que par leurs intentions. Al-umur bimaqasidiha. Et donc la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyyat. Ici, le sens de cette règle, brièvement, nous expliquerons le sens de cette règle, c'est-à-dire al-umur bimaqasidiha, c'est-à-dire les œuvres selon leur but. Nous dirons encore une fois que nous pouvons exprimer cette règle par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, car comme nous l'avons expliqué dans le cours précédent, le fait que ces règles de fiqh, pour beaucoup d'entre elles, sont prises directement de certains versets ou de certains ahadiths, et plutôt elles sont exprimées d'une autre manière, mais parfois l'ulama les explique de cette manière qui est connue dans le milieu de al-fuqaha, des savants de la jurisprudence, et parfois elles l'expriment directement par le verset ou par ce hadith d'où ils ont pris cette règle. Donc parfois ils diront al-umur bimaqasidiha, ou ils diront innamal a'malu binniyat. Avant d'expliquer cette règle, nous dirons que cette règle, comme l'a dit nombre de savants, est une règle qui peut être utilisée dans de nombreuses portes, de très nombreuses portes de la jurisprudence. Et certains ont dit que ce hadith, innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par leurs intentions, et donc cette règle pourra être utilisée dans l'ensemble des portes, l'ensemble des chapitres du fiqh, de la jurisprudence, du droit donc musulman. Nous dirons dans l'explication de cette règle, al-umur bimaqasidiha, les œuvres selon leur but, que le sens de cette règle est que toute parole ou tout acte qui sera prononcé ou pratiqué par quelqu'un sera jugé selon l'intention et le but visé par cette personne. Si tu dis donc une parole ou si tu œuvres une œuvre, nous jugerons ou nous te jugerons selon ton intention. Ceci est le but voulu par cette règle, les actions selon leur but. Nous dirons, après cela, nous expliquerons ce que veut dire « an-niyya ». Donc « an-niyya » ou « al-qasd », nous avons dit donc les œuvres selon leur but, « al-umur bimaqasidiha » ou « innama al-a'malu bin-niyyat », les œuvres selon leurs intentions. Il nous convient de définir ce que veut dire « al-qasd » ou ce que veut dire « an-niyya », l'intention. On a l'habitude d'entendre cela, les intentions, « an-niyya », mais qu'est-ce que cela veut dire? Les savants disent que « an-niyya », c'est « al-irada », c'est-à-dire c'est le voulu de la personne. Et certaines personnes parmi les gens de science disent que « an-niyya », l'intention est plus particulière que le voulu de la personne. C'est pour ça qu'on dira un tel a voulu quelque chose, donc tu pourras juger sur l'intention, sur le voulu, pardon, de ton prochain, mais tu ne jugeras pas sur son intention. C'est pour ça qu'en français on dit le voulu et l'intention. On fera la différence entre ces deux mots-là. Même si certains parmi les gens de science expliquent « niyya » par « al-irada », c'est-à-dire le voulu, le but visé par cette personne. Et la différence entre les deux, comme l'ont expliqué les gens de science, est que la « niyya », l'intention est une chose qui est voulue par une personne, mais que seule cette personne pourra exprimer, pourra te dire quelle est-elle. C'est-à-dire que toi, tu peux donner un jugement sur le vouloir de ton voisin, dire « un tel a voulu par cela faire le bien », par exemple, mais tu ne pourras pas donner un jugement sur son intention, ce qu'il a dans son cœur. Et lui-même sera le seul capable à exprimer ce qu'il avait dans son cœur, ce qu'il a eu comme intention. Voilà l'explication de ce terme, « niyya », l'intention. Bien sûr, les preuves de cette règle sont nombreuses, et parmi les preuves les plus flagrantes, ce hadith que nous avons cité, innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par leurs intentions. Ici, un point très important que nous allons détailler ici, le fait que niya, l'intention, a deux paliers ou a deux degrés. Ou certains parmi les savants diront que dans le langage des savants peut être exprimé de deux manières. La première de ces manières, ou le premier de ces paliers, ou le premier de ces degrés, est l'intention qui permettra de différencier une adoration d'une autre. L'intention permettant de différencier une adoration d'une autre. C'est-à-dire que certaines adorations seront des adorations qui seront obligatoires, d'autres qui ne le seront pas, ce seront des adorations qui seront recommandées, etc. Et il est impératif pour les différencier d'avoir une niya, une intention. Un exemple, lorsque tu pries, tu rentres à la mosquée, tu viens, tu pries deux rak'a. Une personne qui te voit pourra se demander, est-ce qu'il prie tahiyat al-masjid, la prière de salutation de la mosquée, comme il est traduit communément, ou est-ce que cette personne prie al-duha, si il rentre avant l'heure de dhuhr, ou alors est-ce que cette personne prie salat al-istikhara, la prière de consultation, ou est-ce que cette personne prie, et ainsi de suite. Donc la personne qui te voit ne saura pas quelle est cette prière que tu pries, car des prières, il y en a nombre. Comme cela, il ne sait pas si cette prière, peut-être toi tu es voyageur, et ces deux rak'at que tu pries, ce sont deux rak'at pour la prière de dhuhr. Comme tu es voyageur, tu raccourcis la prière de dhuhr et tu la pries en deux rak'at. Donc la personne qui te regarde, lui, ne sait pas quelle est cette prière que tu pries. Toi, afin de différencier cette prière, dans ton cœur, il te convient d'avoir une niya, une intention. Et cette niya sera différente si tu pries la prière de dhuhr ou si tu pries une prière surérogatoire, etc. Donc, l'un des paliers de cette niya, de cette intention, ou l'un des degrés de cette niya, ou comme le disent certains parmi l'ulama, est la différence ou la manière que tu as de différencier une adoration d'une autre. La deuxième de ces, ou le deuxième de ces degrés, ou le deuxième de ces paliers concernant un niya, est celle que tu utiliseras pour différencier une adoration d'une habitude. Une adoration d'une habitude. Par exemple, une personne qui délaissera le fait de boire et de manger par habitude ou pour faire un régime ou pour raison médicale. Et une personne, donc elle le délaissera peut-être de l'heure environ de l'Fajr jusqu'à l'heure de l'Maghrib, par exemple. Et une autre personne qui lui délaissera le fait de boire et de manger pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala, faire ce qu'on appelle as-siyam, le jeûne. Lorsque toi tu vois cette personne, tu ne sais pas s'il a délaissé le fait de boire et de manger pour ceci ou pour cela. Et ce qui différencie cette habitude de cette adoration sera son intention an-niyya. Et ici, nous utilisons cette règle en disant innamal a'malu binniyat, les actions ne valent que par leurs intentions, ou l'umur bimaqasidiha. Est-ce que cette personne qui a délaissé le fait de boire et de manger pour faire un régime, est-ce que cette personne sera rétribuée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala comme cette personne qui aura délaissé le fait de boire et de manger pour se rapprocher de lui en jeûnant un jeûne légiféré? Vous comprenez? Ces deux personnes-là ne seront pas rétribuées de la même manière. Cette personne aura fait une adoration, cette personne aura fait une habitude. Comme cela, la personne qui aura prié une prière obligatoire d'une prière surérogatoire, etc. Donc nous utiliserons, lorsqu'une personne te demande, est-ce que cette personne a telle et telle parmi les rétributions auprès d'Allah, eh bien, al-fuqaha disent, al-umur bimaqasidiha. Nous regardons d'abord sur nous regarderons d'abord le but de cette personne. Pourquoi nous lui demanderons pourquoi as-tu fait cela? Quel est le but? Quelle est ton intention concernant cela? Comme cela, une chose qui est évoquée par l'ulama, il y a beaucoup de, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de sous-règles qui rentrent ou qui viennent se greffer à chacune des grandes règles. C'est pour ça qu'on les appelle les cinq grandes règles jurisprudentielles, et je ne vais pas toutes les citer car il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de masail, c'est-à-dire de points qu'il faudra détailler, ceci dans des livres et peut-être dans des cours que nous ferons plus tard. Ici, ce qui est voulu, c'est vraiment de vous mettre en avant ces grandes règles qui nous seront bénéfiques lorsque nous les aurons comprises dans notre vie de tous les jours et dans notre vie religieuse et dans notre manière que nous aurons d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans notre manière de comprendre les avis des savants, leurs fatawa, leurs avis juridiques, et de comprendre la jurisprudence islamique. Ici, une chose que les savants ont l'habitude d'évoquer, ceci est un point particulier concernant le fait de savoir est-ce que certaines adorations n'ont pas besoin de niyya, n'ont pas besoin d'intention. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, mais dans ce sujet, je vais juste rappeler certains points qui nous intéresseront ici. Les savants ont parlé de cela, est-ce qu'il y a certaines adorations qui ne demandent pas d'intention? Ils ont divisé le fait qu'il y a les œuvres des serviteurs seront divisées en œuvres demandées et œuvres qui ne sont pas demandées, c'est-à-dire qui sont licites, une œuvre licite comme cela. Et les œuvres demandées sont des œuvres demandées soit ordonnées par Allah Azza wa Jal de faire, soit ordonnées par Allah Azza wa Jal de délaisser. Il y a donc l'ordre de faire une chose, d'œuvrer, et l'ordre de délaisser une chose. Ceci, nous aurons peut-être l'occasion de le définir plus tard, mais ici juste un point. Certaines œuvres qui sont licites, qui ne sont pas des adorations, c'est quelque chose de licite, comme le fait de manger et de boire. Est-ce que cette œuvre-là est une chose qu'Allah Azza wa Jal te rétribuera pour l'avoir accomplie? Les savants parlent ici de l'intention. Si l'intention que tu as mise dans cette œuvre, qui est une œuvre licite, donc de par sa définition, si elle est licite, il n'y a pas de récompense pour toi si tu l'as fait, et il n'y a pas de châtiment pour toi si tu la délaisses. C'est ce qu'on appelle le mubah, le licite en islam. Si cette œuvre-là, tu as mis une intention particulière, eh bien cette intention te sera rétribuée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tu as mis comme intention, lorsque tu bois et tu manges, de t'aider de cette nourriture et de cette boisson, que ce soit une aide pour toi dans l'adoration à Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien tu seras rétribué pour cette intention que tu auras mise. Si tu as mis comme intention dans cette boisson et dans cette nourriture, de la prendre comme aide dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, tu seras châtié pour cette intention que tu auras mise. Alors que, à la base, la nourriture et la boisson est une chose de licite. Un dernier point qui est assez important ici, que je citerai, concernant est-ce qu'il est autorisé d'inverser ou de changer son intention pendant l'adoration? Est-ce qu'il est autorisé de changer d'intention pendant l'adoration? Pour résumer, ici, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, fut questionné. Une personne qui est rentrée avec l'imam, donc dans la prière, avec comme niya, avec comme intention de prier l'witr. Puis il s'est rappelé dans sa prière. Il est donc derrière l'imam en train de prier, il s'est rappelé qu'il n'a pas prié la prière de l'Isha. Il changea donc son intention, et cette intention de witr est devenue une intention de la prière de l'Isha. Est-ce que ceci est valable? Est-ce que sa prière est valable? Et Cheikh Ibn Uthaymeen a répondu, ceci n'est pas valable. Sa prière n'est pas valable. Puis il détailla, rahimallah, en disant que parmi les règles, le fait que de changer son intention d'une chose précise vers une autre chose précise n'est pas valide. C'est-à-dire qu'il est rentré avec une intention précise, le fait de prier la prière, une prière précise, l'witr, et il changea son intention vers une autre prière précise, qui est la prière de l'Isha. Ceci est une règle qui rentre dans les règles, dans les nombreuses règles qui rentrent sous cette règle. Les actions ne valent que par leurs intentions. Donc le fait de savoir que le fait de se déplacer, de changer son intention d'une chose précise vers une autre chose précise, n'est pas valable. Puis Shir de détailler après cela. Nous dirons, pour détailler la fatwa de Shir et la comprendre correctement, rapidement, nous dirons que si tu te déplaces ou tu changes ton intention d'une chose précise vers une autre chose précise, ceci n'est pas valable. Si tu changes ton intention d'une chose non conditionnée vers une chose précise, ceci n'est pas valable non plus. Un exemple, tu rentres dans ta prière avec l'intention de faire une prière comme ça surérogatoire, n'importe laquelle, sans avoir une intention précise, que ce soit Tahiyat al-Masjid, que ce soit Al-Istikhara, que ce soit telle ou telle prière. L'intention de prier deux rak'at comme cela. Puis tu te rappelles que l'heure de l'Asr est rentrée. Donc tu te dis, cette prière, ce sera ma prière de l'Asr. Après être rentré dans ton adoration, ceci n'est pas valable. Le fait de passer d'une adoration non conditionnée, non précise, vers une adoration précise, ceci ne sera pas valable non plus. Puis, il y a le fait de changer son intention d'une chose précise vers une chose non précise, non conditionnée. À ce moment-là, le fait de changer ton intention sera une chose valable et autorisée. C'est-à-dire que tu rentres dans ta prière, tu rentres dans une prière, comme le dit ici Cheikh Mohamed Bazmoul, Habdallah, une personne qui rentre dans sa prière avec comme intention de faire la prière de l'Fajr. Puis, il vient dans son cœur, donc, le fait où il voit qu'il va rendre cette prière comme étant une prière surérogatoire, sans condition. N'importe quelle prière surérogatoire. De faire que ces deux rak'ah, ce sont une prière surérogatoire. Ce n'est pas une sunna attachée à la prière de l'Fajr. Non, une prière surérogatoire comme cela. Eh bien, Cheikh dit ici que ceci est autorisé. Car, comme les savants l'ont indiqué, ceci sera valide, donc le fait de se déplacer ou de changer son intention d'une intention précise, d'une adoration précise vers une adoration qui ne le sera pas. Voici pour résumer ce point concernant une de ces nombreuses règles qui se retrouvent sous cette règle, qui est l'une des cinq grandes règles jurisprudentielles, qui est les œuvres selon leur but ou les œuvres ne valent que par leurs intentions. Wa ila huna wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.